comment le numérique modifie les pratiques musicales. Les nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à soigner le cerveau? Chercheurs et experts vous présenteront les dernières avancées et les résultats de leurs travaux. Passionnés, curieux, professionnels de la santé, de l'enseignement ou de la musique, inscrivez-vous sur musique-santé.org. Avec MGEN, Mutuelle Santé et Prévoyance, la protection sociale de 4 millions de personnes. Bonjour Nagui. Bonjour Ali, aujourd'hui c'est Mélanie Laurent que nous recevons pour le film L'Éternité. Bonne journée, à demain, merci. Quelle efficacité, il est 11h sur France Inter. Le flash, Lionel Thompson. Et de nouveaux heurts signalés ce matin au Gabon, dans la capitale Libreville, dans le quartier de Nkembo. La proclamation de la réélection contestée du président Ali Bongo a provoqué de graves incidents depuis hier. Les forces de sécurité ont donné l'assaut contre le QG du candidat de l'opposition Jean Ping dans la nuit. Deux personnes auraient été tuées et plusieurs autres blessées. Un peu plus tôt dans la soirée, des manifestants avaient incendié l'Assemblée. La France appelle à l'arrêt des violences au plus vite. Enfin, c'est la réaction lapidaire de Martine Aubry ce matin au départ d'Emmanuel Macron du gouvernement. La maire socialiste de Lille n'avait pas encore réagi. Elle avait déjà eu l'occasion d'afficher son hostilité vis-à-vis de l'ancien ministre. 12 millions d'élèves ont repris ce matin le chemin de l'école. Sur sa page Facebook, le chef de l'État, François Hollande, leur souhaite une bonne rentrée. Une rentrée qui se fait quand même sous le signe de la contestation de la réforme des collèges, avec un appel à la grève dès le 8 septembre. Et sous le signe de la sécurité, avec notamment 3000 réservistes de la gendarmerie mobilisés pour l'occasion. Encore un meurtre dans les environs de Marseille. Un homme de 35 ans a été abattu de plusieurs balles cette nuit à Marignane. On ne connaît pas pour l'instant les raisons de ce crime. C'est la 6e victime d'homicide dans les Bouches-du-Rhône depuis le début du mois d'août. La 23e depuis le début de l'année. De nouvelles frappes meurtrières de l'armée syrienne cette nuit dans la région de Hama. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG, 17 personnes au moins ont été tuées par ce raid. La télévision publique syrienne affirme, elle, que les frappes visaient, je cite, « des terroristes ». La réplique de Tim Cook à l'Europe. Dans un entretien au journal irlandais Irish Independent, le PDG d'Apple estime que l'amende de 13 milliards d'euros infligée à son groupe par l'Union européenne est une stupidité politique absolue. Il dit vouloir travailler main dans la main avec le gouvernement irlandais pour combattre cette mesure et dénonce un sentiment anti-américain. Il menace également de rapatrier une partie des bénéfices du groupe aux États-Unis. Comme d'autres multinationales, Apple profite d'un régime fiscal très avantageux en Irlande qui lui permet de ne presque pas payer d'impôts. L'Europe considère qu'il s'agit d'une forme d'aide publique illégale. Et puis Donald Trump, ne désarme pas. Quelques heures seulement après sa visite surprise au président mexicain Enrique Peña Nieto hier, le candidat républicain à l'élection présidentielle des États-Unis a réitéré quelques-unes de ses promesses choc lors d'un meeting en Arizona, notamment celle de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, mur censé empêcher l'immigration clandestine, et que Trump prétend faire financer à 100% par le Mexique. Le président mexicain considère de son côté que cette proposition est une menace pour son pays et indique que le Mexique ne payera pas pour un tel mur. Un vrai test ce soir pour l'équipe de France de football avant d'attaquer les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2018. Pour leur premier match depuis l'Euro, les Bleus affrontent en match amical l'Italie chez elle à Bari. Tous les dimanches sur France Inter, à partir de midi. Question politique, le nouveau rendez-vous politique de France Inter en partenariat avec Le Monde. Nicolas Demorand. Il a quitté le gouvernement cette semaine et sera notre tout premier invité, Emmanuel Macron. Interview et toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter. Question politique. À suivre ce dimanche à partir de midi sur France Inter. Et sur la nouvelle chaîne TV d'info en continu, France Info. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. France Inter, on aime, on vous en parle. Victor par le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch du 3 au 12 septembre au Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville. Victor, c'est l'ambiance de Rome qui inspire la première pièce voyageuse de Pina Bausch créée en 1986. les danseurs restituent le parfum à la fois étrange et familier de la ville éternelle, où transparaissent les obsessions habituelles sur la nature humaine. Une pièce envoûtante et historique. Retrouvez Victor dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. 11h05, on retrouve la bande originale avec vous, Nagui. Et dit comme ça, ça donne envie. Franchement, je vais y aller. On vous retrouve tout à l'heure, Lionel Thompson, à midi pour d'autres infos. C'est la bande originale. Bravo. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadrouboudani. Bonjour à tous. Alison Wheeler. Bienvenue, Alison. Daniel Morin. Bonjour. Albert Agou. Bonjour. Monsieur Orlac est au clavier. Notre invité, Mélanie Laurent. Bienvenue, Mélanie Laurent. Bienvenue pour nous parler de l'éternité. Vous êtes sûr? Quoi? Parce que je vais balancer. Juste avant que l'émission commence, Nagui et Mélanie étaient en train de parler des événements à venir dans la carrière artistique de Mélanie. Et Mélanie répondait à Nagui par « Quoi ? Quel film ?» Alors, mais en vrai, jamais. Ok, puisque tu veux la vérité, on va te la donner. Simplement, c'est un film péruvien, franco-péruvien, qui a été tourné, c'est ça, il y a 3 ans, et dont elle ignorait le titre choisi pour la sortie française. Le Pancho. Elle connaissait évidemment le titre du film dans lequel elle a joué, mais elle ne sait pas que les distributeurs ont choisi de l'appeler dans notre titre, dont nous parlerons tout à l'heure, parce que là, maintenant, c'est L'Éternité, qui sortira la semaine prochaine, le 7 septembre exactement, un casting de dingue, L'Éternité. Éternité, même, il n'y a même pas l'article pour te Éternité. Dire à quel point ça prend un sens. Je vais demander au général Ganache s'il a bien... Maréchal, pardon, s'il vous plaît. S'il a bien compris pourquoi Mélanie Laurent était notre invitée. Tu vas voir le casting, ils ne sont pas tous bons. Hein. Si, si. Affirmatif. Alors, tout d'abord... Vous permettez ? Pardon. Allez-y, mon général. Maréchal. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, mademoiselle Laurent, parce que vous m'avez sauvé la vie. Parfaitement. Je vois, monsieur Nagui, à votre air dubitatif, que vous mettez cette affirmation sur le compte d'un prétendu ramollissement cérébral, et pourtant, c'est la vérité. La semaine dernière, à l'hospice des vieux glands, dans la soupente qui me... Ne riez pas. Dans la soupente qui me sert de piole... La chaleur insupportable à cause des tuiles flirtait, le soleil filtrait, mais ça flirtait, avec les 65 degrés. Et je ne vous parle pas des odeurs. Pire que dans le Djebel de Bouz, où en 1957, en Algérie. Oui, c'est là où j'ai combattu, en Algérie. Un peu de géographie. En 57. Après m'avoir capturé, les félagas m'avaient attaché un palmier sous un soleil de plomb, complètement nu. Nu. Complètement nu, au soleil, complètement nu. Merci. Oui, vous allez me dire que la semaine dernière, j'aurais dû m'hydrater. Seulement voilà, à force d'ouvrir et de fermer, la portière de notre baignoire à porte commune, les pensionnaires des vieux glands ont rendu cette bassine totalement inutilisable. Depuis, elle fuit de partout, un peu comme moi. Et à part les bains de siège que je me prépare moi-même avec des feuilles de menthe et dont je vous reparlerai un jour, parce qu'après je m'en sers pour faire du thé. Donc plus moyen, je vous en prie, plus moyen de me rafraîchir. Heureusement, mademoiselle Laurent, mon boy vietnamien, ding ding ding ding ding ding, qui me sert aussi, connaît bien Daniel Morin, qui me sert aussi d'auxiliaire de vie depuis l'Indo, autant qu'un là. Allez-y, poursuivez. Oui. A eu l'idée de m'emmener voir votre film en avant-première dans une salle climatisée. Ah. Et là donc, grâce à vous, mademoiselle Laurent, Mélanie, j'ai survécu à cette canicule qui a failli me faire crever. Alors, j'ai beaucoup aimé L'Éternité. Non, Éternité. Et la Éternité, je vous en prie. L'apostrophe, on mettra ailleurs. Un film admirable sur les femmes d'autrefois qui savaient s'épanouir dans le mariage et la maternité. Des femmes pour qui ça voulait dire quelque chose. Un papa, une maman, un papa, une maman. On va y retrouver bientôt cela. Ce film fait comprendre qu'une vraie femme, c'est une femme à l'ancienne, qui ne s'épile pas, qui n'a pas peur d'accoucher dans la douleur, qui ne fait pas sa chachotte en réclamant une péridurale, une césarienne, et qui ne se met pas à chialer parce qu'on lui fait une épisiotomie sans anesthésie. Bref, je vous en prie, une vraie femme, c'est une femme qui en a dans le froc. Pas comme cet Henri, votre mari dans le film, Mélanie, une vraie lopette qui s'épanouit dans la tapisserie. On en parlera tout à l'heure. Une vraie femme, c'est aussi une femme qui vit son veuvage comme une chance. ce qui, dans ce film, est le cas de Valentine et de Gabriel, dont vous incarnez l'ami. À ce propos, le film est tiré d'un roman d'Alice Fernet, que j'ai lu, intitulé « L'élégance des veuves ». Ça, c'était un beau titre, « L'élégance des veuves ». Je ne comprends pas que vos producteurs n'avaient pas conservé. Et c'est vrai que c'est élégant, une veuve. Prenez mon épouse, Germaine Ganache, veuve poignée, du nom de son premier mari, qui explique que j'ai veuve Ganache. Bien sûr, bien sûr. Elle était d'une élégance. D'une élégance. J'ai du problème avec mes... Vos dentiers. Même ses bas de contention étaient noirs. C'était bon. J'ai envie de chialer quand je pense à elle. Et donc... C'était de l'élégance, d'une grande élégance. Oui, venons-en. Comme l'éternité, chers auditeurs, que je vous encourage vivement, parce qu'il faut que je conclue fermement. Éternité, bien sûr, l'apostrophe m'embrasse. Que je vous encourage vivement, fermement, et s'il le faut, à coup de Rangers dans le cul, à aller voir, même s'il fait moins chaud. Merci. Donc, Tran Anh Hung est le réalisateur de ce film Éternité, avec un casting de rêve. Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Jérémy Régnier, Pierre Deladonchamp, il y a Philippine Laura-Beaulieu également qui est présente dans ce film, et Mélanie Laurent qui est notre invitée, comme la... Je voudrais peut-être préciser un peu mieux ce qui se passe dans ce film. C'est un siècle, à peu près un siècle en tout cas, de transmission, de naissance, de décès dans ce film qui est à la fois attendrissant et émouvant parce qu'on pleure. Il y a beaucoup d'enfants malheureusement qui naissent. Enfin, ça c'est heureusement qui naissent, mais malheureusement qui meurent aussi parce que les soins en maternité, les soins médicaux n'étaient pas les mêmes il y a un siècle qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est un film sur la généalogie féminine et les femmes à travers ce siècle? C'est vraiment le prisme de la femme qui était voulu? Mais c'est surtout que c'est le livre d'Alice Fernet qui parlait de sa propre enfance et de sa propre... Enfin, son enfance, la propre enfance de ses générations d'avant, et elle voulait parler de sa famille. Et Hung a une fascination pour les grandes familles bourgeoises. Et quand il est arrivé du Vietnam en France, il s'est retrouvé dans une grande famille bourgeoise et il a toujours rêvé de faire un film sur une famille française de cette époque-là. Et c'est un film sur les malheurs et sur les grandes joies, sur tout ce qui peut arriver à des femmes, à des hommes, à des familles, à des enfants. On s'attache très rapidement à toutes ces histoires. Il a quand même ce génie-là, Hung, qu'on retrouve dans chacun de ses films. L'odeur de la papaye verte, par exemple, on s'attachait à cet enfant. Très beau film. Qui passait sa journée à cuisiner, à préparer des choses, et on la regardait comme ça, médusée. Il a vraiment l'art de parler du quotidien et de le montrer sans qu'on s'ennuie jamais. Il y a quelque chose comme ça où on pourrait passer des heures comme ça à regarder, comme une grande saga qu'on lirait d'ailleurs. Contemplation. Oui. Et d'ailleurs, le rythme du film est intéressant parce que c'est lent, parce que c'est pas bavard. Finalement, c'est des tableaux qui nous donnent à voir. Et on voit en effet l'évolution de la condition féminine, puisque toutes les femmes qui sont présentées dans ce film, cette génération, comme vient de le dire Nagui, chacune d'entre elles évolue. Il y a plusieurs générations, c'est une généalogie. Une généalogie, pardon. Chacune d'entre elles emprunte des chemins un petit peu différents. Et vous, votre personnage est un personnage qui détonne dans cette grande lignée de femmes. Parce que c'est un mariage d'amour. Je crois que c'est la seule histoire dans le film qui est un vrai mariage d'amour. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui, à l'âge de 7 ans, est tombée amoureuse d'un jeune homme. Et c'est ce mari qu'elle choisit. Incarné par Jérémy Régnier. La quoi, scène ça du vélo, moi j'ai trouvé merveilleuse dans la rencontre des enfants. Est-ce que tu veux faire un tour de vélo avec moi? Transmission, elle le transmet à ses enfants. Ouais. Donc ce mari n'est pas extrêmement facile toujours. Il a un petit caractère à lui, mais c'est un vrai mariage d'amour, et c'est intéressant aussi de parler de ça. Le livre donc d'Alice Fernet, L'élégance des veuves, et même le point commun de votre discussion entre Hung et vous, c'est-à-dire que lorsque vous êtes rencontrés, il a commencé à vous pitcher le film sans vous dire que c'était l'adaptation du roman, et vous avez dit mais je reconnais le roman. En fait, vous avez piqué salaud. Il est gonflé. C'est quand même Alice Fernet. Ça a dû l'impressionner d'ailleurs que vous ayez eu le livre avant qu'il ne vous en parle. Oui, je crois qu'il était assez étonné. Puis j'étais enceinte de 8 mois et demi. Donc en fait, comme j'ai 14 enfants dans le film, je pense que J'ai appelé mon agent, je lui ai dit, tu sais que je peux accoucher d'une minute à l'autre, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce qu'on le filme? Est-ce que ça va pas le rebuter, que je sois quand même énorme? Et elle me dit, non, tu as 14 enfants dans le film, je pense que ça tombe plutôt bien. Et c'est un conseil de Marie Denarno, avec qui vous avez joué dans Les Adoptés. Oui, en fait, quand j'aime les gens, je leur demande toujours de donner leurs 5 livres préférés, et L'élégance des veuves en faisait partie. Alors comment avez-vous tourné? Parce que comme l'a dit Leïla, dans le film il n'y a pas énormément de dialogue, il y a une voix off qui est très présente. Cette voix, l'entendiez-vous? Est-ce que quelqu'un, il y avait un récitant ou une récitante au moment de tourner pour savoir, pour jouer en fonction de ce que la voix off dit et raconte? Est-ce que vous jouiez en musique? Comment s'est passé? Oui, on jouait en musique. Et parfois même on avait le droit de choisir notre morceau de classique. Est-ce que ce morceau se retrouve dans la BO? Moi, j'avais choisi plusieurs fois des nocturnes de Chopin, et oui, il y en a. D'accord. Et la voix off, alors comment jouer en fonction de la voix off? Parce qu'elle est très présente, cette voix. Oui, la voix off, en fait, on la relisait juste avant de tourner la scène. Mais non, il n'y avait pas de voix off sur le plateau, parce qu'ils ne savaient pas encore à l'époque si ça allait être une voix de femme, d'homme, de quel âge. Donc, on relisait vraiment la voix off. On travaillait en musique, ce que je n'avais jamais fait à ce point-là, ce qui est très agréable. Parce que les gestes sont faits différemment, il y a une sorte de... Et puis qu'on porte un costume d'époque, moi c'était mon premier film vraiment d'époque, j'avais pas à dépasser cette Deuxième Guerre mondiale. Je rêvais de l'ombrelle et de la robe d'époque 1900. Et en fait, voilà, on avait des décors absolument sublimes, et puis Ung est un réalisateur extrêmement précis, la lumière était absolument sublime, on sentait qu'on était quand même avec le chef opérateur de In the Mood for Love quand même, donc on se sentait quand même enveloppé. Il y avait deux chefs opérateurs sur ce film et c'était de Wong Kar-wai. Des deux. Ouais. Et on le retrouve ça, d'ailleurs dans le rythme, dans la façon dont c'est filmé, quelque chose de très apaisant. Et puis Daniel Morin n'aime pas que je le dise, mais la lumière, faute était comment? La lumière, elle vient de te le dire, écoute. J'aime bien quand vous le dites, vous n'avez pas. Non, je suis moins bien placé que Mélanie Laurent, mais la lumière, l'esthétisme, la est au rendez-vous. Alors après, il y a la toile de fond, c'est-à-dire la manière un peu réac dont parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire la condition féminine qui est aussi au cœur de cette histoire. Oui, mais c'est pas parce qu'on fait un film sur l'avortement, ou si c'est pas parce qu'on fait pas un film sur le féminisme qu'on n'est pas féministe. J'entends, mais c'est ça ma question. Là, d'un coup, c'est pour dire aussi, à l'époque, les femmes n'avaient pas d'autres fonctions que de procréer et un nombre considérable d'enfants. Oui, mais comment, si on faisait un film sur le Moyen-Âge, on se rendrait compte que c'était pas génial. Quel Georges Hélo, lui, ainsi de suite. Mais en tout cas, et puis c'est l'histoire surtout de la famille d'Alice Fernet. Mmh. Donc à partir du moment où il décide, et qu'il est extrêmement proche du roman, il y a une adaptation qui est absolument merveilleuse du livre. Mais c'est sur quoi? C'est sur les valeurs de l'époque? C'est sur la transmission? Je crois pas que ce soit sur les valeurs, je crois que c'est sur cette époque qui n'existe plus, quand même. Enfin, ça va jusqu'à nos jours, hein, puisque ça finit à Paris, sur un pont. Oui, très peu. Quand même. Très peu. Le film part vraiment de début de siècle. Après, ça parle de toutes ces femmes. À partir du moment où il y a quand même, avec le couple que je forme avec Jérémy, un vrai mariage d'amour, ce que je trouve assez moderne, où il y a des vraies relations sexuelles qui sont plutôt montrées dans le film, où on sent qu'il y avait un épanouissement sexuel. On les voit, pas assez, mais on les voit. C'est vrai, on les voit. À partir de ce moment-là, il y a procréation, mais il y a la création aussi. Oui, et puis c'est pas des femmes qu'on montre extrêmement malheureuses de leurs conditions, qui tout d'un coup souffrent de ne pas travailler et de ne pas pouvoir faire d'autres choses. Elles appartiennent quand même à un milieu social qui fait qu'elles sont pas en train de s'interroger sur comment nourrir la famille. Il y a Audrey Tautou et Bérénice Bejo. Vous avez plus de scènes avec Bérénice Bejo qu'avec Audrey Tautou. On vous sent très complices. Alors déjà, ce sont deux amies, mais c'est la première fois que vous jouiez ensemble. Oui, et ça a été le coup de foudre amical dans la seconde. On s'est entendu extrêmement bien tout de suite et ça m'a fait du bien. D'abord parce qu'on se rend compte qu'on est très rarement réunis quand on est actrice tout ensemble. On est souvent dans des films masculins avec des hommes. Et là, tout d'un coup, c'est avec trois femmes. Le problème, c'est que quand il y a trois vedettes, chacune, c'est la vedette de son film, donc il n'y a pas forcément plusieurs stars en même temps. Non, mais je veux dire, c'est rare de réunir un casting aussi dense en talent. Bérénice, que nous recevrons d'ailleurs lundi prochain pour sa pièce de théâtre avec Stéphane de Groot au théâtre Édouard VII. Ce que vous avez, justement. On va lui repasser ce que vous allez dire maintenant. Ce que vous avez découvert dans son jeu et dans les silences, comment jouer sans rien se dire? Ce sont des regards, ce sont des caresses Oui, mais alors, pour le coup, je pense que cette complicité instantanée nous a beaucoup aidés. Parce qu'il y avait quelque chose de très tactile, et qu'on avait, on a pris un plaisir fou à jouer des amis. Donc c'est vrai que c'était facile en termes de déplacement, de gestuelle. De toute façon, c'était extrêmement précis. Hein. Il fallait déplacer des objets de manière très précise. Il fallait regarder la lumière d'une certaine manière. Il fallait se regarder. Et en même temps, c'est pas si évident que ça. Parce qu'en fait, comme on a le corps pour s'exprimer, on a les yeux pour dire les choses, bah, on a intérêt à bien s'entendre. Et on a été un quatuor très, très heureux sur ce tournage. On a pris énormément de plaisir à travailler tous ensemble. Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent, Jérémy Régnier, Pierre Deladonchan dans ce film de Tran Anh Hung qui s'appelle Éternité. Quand on vous a dit, Leïla, que Mélanie Laurent viendrait dans cette émission, vous auriez un tout petit peu sifflé. Et oui, tout de suite, j'ai entendu résonner dans ma tête cette voix. Vive le cinéma! Ah oui. Vive le cinéma! Oui, mais c'est ce cri du cœur, vous l'avez reconnu, de Quentin Tarantino, ou plutôt le King Tarantino, qui vous a dirigé en 2009 dans Inglourious Basterds. Alors, si on doit traduire les titres de films au Québec, on appelle ça le Commando de bâtard. Ah bon? Bah oui. Décidément, aujourd'hui, je suis très étonnée des traductions des titres. Les titres des films dans lesquels vous jouez, vous ne les connaissez vous pas. Vous avez joué dans le Commando titres de bâtard. Mélanie à Mélanie. Voilà, c'est au Québec, en tout cas, qu'on dit comme ça, dans la distribution des petits acteurs, des débutants, Brad Pitt, Christopher Waltz, Michael Fassbender, Diane Kruger, enfin voilà. Et vous incarnez Shoshana Dreyfus, cette jeune fille juive vengeresse à souhait. Quentin Tarantino, au passage, qui est un peu votre hôte quand vous allez à Los Angeles, c'est ce que vous avez déclaré. C'est le bed and breakfast ? Ouais. C'est vous qui faites le petit-déj, j'ai cru comprendre même. Il y a pire comme hôte. Il y a pire, ouais. Et quand je pense à vous aussi, Mélanie Laurent, j'entends une autre voix. Il y a une chose, alors on peut gagner de l'argent, on peut avoir des yachts, on peut avoir des avions privés, on peut frimer, on peut éclater. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la joie de vivre. Et la joie de vivre n'est pas à la portée de l'argent, pas du tout. Et cette joie de vivre, je vais en Afrique, les gens, certaines personnes se disent, est-ce que demain on aura à bouffer ? Ils sont heureux quand même. Vous l'avez reconnu ? Oui, Pierre Rabhi. C'est Pierre Rabhi qui a fondé le mouvement Colibri, qui est très engagé dans la défense de l'environnement. Une rencontre qui vous a donné envie d'agir, Mélanie Laurent. Ça a donné naissance à un film documentaire. Près d'un million génial, ce film. De spectateurs ont été voir Demain. C'est, et continue d'ailleurs, parce qu'il est en vente libre, il est sur iTunes, hein, je crois, ouais. Aussi, en location. En VOD. Hors grand écran maintenant, ouais. Pas de catastrophisme, simplement des solutions existantes que vous êtes allé chercher, que vous avez filmées, qui sont déjà appliquées. Et enfin, quand je pense à vous, j'ai un sourire un peu rêveur et gêné parce que je pense à un acteur que j'aime beaucoup. C'est beau de voir quelqu'un évoluer, d'être aussi heureuse sur un plateau en faisant ce qu'elle aime vraiment. Et moi, je suis épatée. Est-ce que vous l'avez reconnu et vous l'avez dirigé dans Les Adoptés ? Oh, c'est Denis. C'est Denis Ménochet. Il parle d'elle en disant absolument, ça ? Absolument, c'est une interview sur Les Adoptés, justement. Ah ouais. Il était d'ailleurs là dans Inglourious Basterds. Bah oui, dans ce commando de bâtard. On avait cette première scène ensemble. Et oui, c'est lui qui incarne votre père dans la scène d'ouverture. Celui qui me cache. Ah oui, c'est pas et voilà. Qui me dénonce. C'est souvent c'est les mêmes. Et c'est devenu mon meilleur ami. Il faut savoir où la personne est cachée pour la dénoncer. Sinon, t'es pas fiable. Voilà. Et donc, je pense sans cesse à Denis Ménochet, que vous avez sublimement mis en scène dans Les Adoptés. Merci. Et demain, tu as raison d'en parler, Leïla, parce que c'est intemporel et malheureusement, tristement, toujours d'actualité. Je me demande comment on n'est pas capable, par exemple, vous parlez de San Francisco, ça a été une révélation pour moi dans votre documentaire. Il y a plein de choses, et on va pas tous les énumérer. Mais une ville qui réussit, une ville aussi industrialisée, aussi où l'argent est à tous les coins de rue, qui réussit et qui a l'intelligence de recycler tout. 80%, ouais, ils Parce ont même l'intention oui. d'arriver à 100% oui. de leurs déchets, qui créent des emplois grâce à ça, qui économisent de l'argent et qui fait son travail pour sauver la planète. Mais pourquoi on fait pas tout ça ? Pourquoi toutes les villes s'y mettent pas ? Pendant tout le docu, je finis toujours par dire, mais pourquoi on ne le fait pas ? Non, mais est-ce que vous êtes déjà allé poser à Anne Hidalgo, par exemple, en lui disant, mais pourquoi Paris ne recycle pas tout ? Est-ce que vous êtes déjà, politiquement, vous avez mis les pieds dans le plat en lui parlant ? Non, mais... Quoi ? Non, il faut que je le fasse. C'est une bonne idée. Non, mais c'est-à-dire... Il y a beaucoup de choses à changer. Que répond un maire d'une ville quand on lui montre ce que fait San Francisco en lui disant, mais pourquoi vous ne faites pas la même chose ? Bah, à Paris, ils ne font pas rien non plus. Mais c'est insuffisant. Font... Ouais, non, mais on n'est pas... Par rapport à il y a une vingtaine d'années, c'est il y a eu des progrès gigantesques. Le problème, c'est qu'on nous annonce qu'il nous reste une vingtaine d'années pour vraiment voilà, agir. Voilà, c'est ça. Exactement. Vous Mélanie... pensez que bientôt, on va tous crever ? De toute façon, oui. Un jour. Après, ça dépend à quelle vitesse et dans quelles conditions. Mélanie, ça a changé votre mode de vie, ce film, Demain ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai rajouté évidemment plein de gestes en plus et plein de réflexes que j'avais pas. Est-ce que vous mettez le timer de votre téléphone pour prendre la douche 5 minutes ? Ah, moi, je fais toujours ça, mais ouais. C'est même moins de 5 minutes. Non, mais c'est... D'ailleurs, on voulait vous en parler. En moins de 5 minutes, on peut quand même prendre une bonne douche. Est-ce que vous avez discuté avec des gens qui jettent des papiers par terre dans la rue ? Les papiers par terre, je crie et je les ramasse. Et je vais les jeter à la poubelle. Mais... Devenir végétarienne, je crois, voilà, déjà. Très facile, d'ailleurs, ouais, c'est intéressant. Pas du tout compliqué. Et en plus, quand on veut en manger de la viande, eh ben, on est très malade. Parce qu'en fait, on n'est pas fait pour manger de la viande et on ne le supporte pas. Donc en fait, ça, c'est des choses qui changent énormément. J'ai fait pareil à cause de vous. Hein. Cet été, j'ai arrêté. C'est vrai ? J'ai arrêté viande et poisson cet été en me disant, je vais voir si ça change quelque chose. T'es beau, t'es bien. Un beau galbe. Et si pour moi... T'es une très bonne pub. Et si, comme pour moi, pour survivre, vous aviez à bouffer un copain. Hein, comme ça m'est arrivé. Qu'est-ce que vous diriez? Végétarien, peut-être. Je mangerai d'abord ces végétations. Bien vu. Oui, c'est dégueulasse, je sais, mais je ne savais pas comment me sortir de cette sale situation. Non, c'était brillant. C'était brillant. Un peu plus glamour, on est gêné. Vous avez quand même gardé votre 4x4. Et ces champignons. Vous êtes venu avec. Il y aura les. Attends, bouge pas. Elle a déjà commencé à poser des questions, Alison. Dans quelques instants, ce seront les dates de la bande originale de La Vie et mise en musique d'ailleurs par Mélanie Laurent elle-même. Mais d'abord aussi la drôle d'humeur d'Alison Wheeler, messieurs. Il paraît qu'elle a très peur. Ah, je suis angoissée depuis hier, j'en ai pas dormi, tous mes amis me détestent. Et le fait que je relance comme ça accentue. Oui, ça appuie là où ça fait mal. Mais honte c'est pas sur toi. Non, je suis hyper flattée d'être ici. Et je suis contente parce que Mélanie, vous disiez tout à l'heure que vous adoriez la musique, Chopin, tout ça. Bah, moi, c'est plus R&B. et je sens que c'est vraiment la vibe de France Inter. Donc, ouais. Je suis contente d'être c'est là. C'est une grosse chanteuse de salle de bain quand même. J'ai passé un très bon moment. Les gens un peu moins. Et Nagui, comme j'ai jamais été reçue bizarrement à Taratata. Et ben je vais réaliser mon rêve de chanteuse now, ça veut dire maintenant, et faire ma chronique en musique. Allez. Mais je vais jouer le jeu, je sais qu'on est à France Inter, donc je vais quand même parler d'actualité. Allez, on branche les sonotones, c'est parti. Ok. Chanson consciente. Ok. Oh. Voix nasillarde. C'est mon premier jour au travail. Je stresse un peu mais faut que ça aille. Pardon si ça sent le filet de lotte. J'ai oublié de mettre une culotte. Oui, oui Nagui, je suis engagée. Pour vous j'ai lu la presse papier. J'ai regardé BFM TV. J'adore quand ils parlent de chassé. Croisé sur la route des départs. Des aoussiens, des juilletistes. On dirait des Pokémon rare. Ok, c'est ça. Si aujourd'hui je prends la parole, c'est pour dénoncer. J'en ai par-dessus mes rajouts, des gens qui veulent nous déprimer. Pourquoi aux enfants on parle de choses tristes? Oui, le monde va mal, mais quand même j'insiste. Prends ton verre d'eau, tout le monde. Ouais. Oui. J'aime bien avoir le verre d'eau à moitié plein. Y'a quand même des choses qui vont bien. D'accord, le collège maintient les langues archaïques. Mais comme ça, les jeunes comprendront les politiques. J'aime bien voir le verre d'eau à moitié plein. Y'a tellement de choses qui vont bien. Les agriculteurs ont fait monter le prix du lait. Juste assez pour se payer une corde, c'est parfait. J'aime bien voir le verre d'eau à moitié plein. France Inter, oui. Le gouvernement lutte contre la déforestation. Il plante un sapin à la place de Macron. Ouais, oui, Macron a démissionné. Mais pour prendre soin de sa femme. Avec la canicule, c'est bien de s'occuper des vieilles dames. Petite dame, gentille dame, France Inter. J'aime bien voir le verre d'eau à moitié plein. Oui, il y a énormément de choses qui vont bien. Yeah. Les Jeux paralympiques commencent fin septembre. L'occasion pour les républicains de recruter des membres. Oui, regarde Cam. Oui, j'aime bien voir le verre d'eau à moitié plein. Y a tellement de choses qui vont bien. Le rail va être au patrimoine de l'UNESCO. Ça veut dire que Faudel et Khaled... Non, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais je crois que j'ai fait le tour des bonnes nouvelles, d'ailleurs. Bah ouais, c'est fait. Allez, c'est bon, hein. J'aime bien voir le verre d'eau à moitié plein. Il y a énormément de choses qui vont bien. Lève ton verre. Ouais, ouais. Yeah. Ton verre d'eau à moitié plein. Tape dans les mains en même temps, tu verras, c'est marrant. Lève les mains, même si tu conduis et que t'as un accident. Allez, ça va aller. À la tienne, France Inter. Allez, salut. Bravo. France Inter, Maggie, la bande originale. Maggie, si je peux me permettre, vous en recevez bien, bien pire à taratata. Bien, bien pire. C'est, pas, très, c'est pas très élégant de le dire devant Mélanie Laurent qui est venue chanter à taratata. Je t'en pas évoqué Mélanie Laurent. J'avoue tout de suite. Non, c'était bien. Non, c'était vachement bien. Tu vois, non, c'était vachement bien. Il faut refaire de la pour musique. Une première d'Alison, c'était formidable. Welcome, Alison. Ouais, j'adore. Formidable. J'adore. Je rêve d'un duo avec Mélanie, peut-être sur l'environnement. Je tiens à dire que le public applaudit sans qu'on leur fascine d'applaudir. Je crois que ça a dansé, ça a même twerké dans un coup. Ouais, sans déambulateur, c'est pas facile en plus, hein, je te jure. C'était chaud bouillant. Je suis désolée de ce que je vous ai infligé. Le problème, ouais, enfin, à part l'odeur de l'hôte, t'étais pas obligé, mais le problème, c'est que maintenant, on va attendre un Scud chaque, chaque semaine. Un track, un soundtrack. Ouais, R&B à mort. Faudra me donner un genre musical. Et c'est sur YouTube, c'est la chanteuse de salle de bain, c'est ça, je suis oui, une chanteuse de salle de bain. C'est ma vidéo qui est sur ma chaîne. C'est génial, c'est un carton et le clip est super bien fait. On est ravis d'accueillir Alison Wheeler dans la bande originale. Voici en musique ce qui s'est passé dans la vie de Mélanie Laurent, qui est à l'affiche de Éternité, le nouveau film de Tran Anh Hung. Ça sortira le 7 septembre aux côtés d'Audrey Tautou et de Bérénice Bejo. Entre autres, on parle des femmes parce que les femmes sont à l'honneur dans ce film aussi, mais il y a également Jérémy Régnier et Pierre Deladonchamp. Ah oui. Donc en 2001. Oui, j'aime Pierre Deladonchamp. J'aime aussi, c'est pardon, il est dans Le Fils de Jean de Philippe Huré aussi en salle. Voilà, et il est merveilleux ce comédien. Ouais. On l'avait vu dans L'Inconnu du Lac de Guy Roddy. Calme-toi, ça passe à l'antenne ce que tu dis. Fais attention. Ouais, je sais, mais moi, j'aime beaucoup. Et il est pas bon dans toutes les scènes. Toi qui n'as pas vu le film. En 2001, Mélanie Laurent, écoutez. Sur le capot des voitures. Tu écoutais ça sur le capot des voitures. Je tournais avec Lou Garrel et un réalisateur. Et Rodolphe Marconi. Et c'était le mois où ce tube est sorti. Et on était monté sur une voiture hyper belle. Est-ce que c'était le tournage de Ceci est mon corps ? Oui. C'est ça. Alors, vous étiez donc avec Jane Birkin et Louis Garrel. Vous avez dit que c'était le tournage le plus difficile. À part quand on montait sur les voitures. Non, c'est un mauvais souvenir en fait avec Non, c'était dur parce que. Ou dur, c'était le premier vrai. Vous avez quoi, 17 ans ? Il y avait des scènes de nu, je crois. Je sais pas ce qu'on préfère. Bah voilà, ni à 17, ni à 33. Non mais c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où quand on est comédienne, où on fait abstraction justement de scène de nu ou pas en se disant. Pas à 17. D'accord. Voilà. Je crois qu'il y avait plein de choses dures à faire et à gérer et j'étais un petit peu petite. D'accord. En 2007, voilà. Oui, je vous fascine tout à l'heure alors. En 2007, voilà ce qu'écoutait Mélanie Laurent. We got five years. Bowie, Five Years. Alors, c'est pas le plus gros succès de Bowie, comme d'ailleurs, c'est pas le plus gros succès de Vanessa Paradis, d'ailleurs. Ah oui ? Oui, Commando, c'est pas un tube énorme, Five Years non plus, mais ça veut dire que quand vous écoutez des albums ou des titres, vous allez chercher vos préférences sans subir le mainstream. C'est quand même la magie de la musique. Ouais. C'est qu'on sait pas pourquoi ça nous plaît, mais en tout cas, quand on aime passionnément. Et Bowie, par exemple, vous l'écoutez dans quelle situation ? C'est un casque dans une chambre avec une petite bougie ou c'est avec plein de potes ? Non, elle me donne la grosse patate, cette chanson. Ouais. Plutôt quand je marche dans la rue ou quand je vais travailler. Et elle m'inspire beaucoup. Et là, par exemple, de la réentendre, ça vous replonge en 2007 où il se passait quoi dans votre vie ? Tu le sais pas, toi, il n'y a pas marqué si. Sur ton papier. J'avais noté le César, évidemment, du meilleur espoir féminin pour Je vais bien, ne t'en fais pas, mais il y a aussi peut-être une période de votre carrière où, bizarrement, avec un César, vous recevez moins de scripts ou de scénar. À cette époque-là ouais. Non, à cette époque-là, non. Ça avait changé énormément de choses. Il y a eu un vrai avant et après. C'est vrai ? Ah oui. Parce que vous avez déclaré dans une interview que paradoxalement, après le César, l'effet auquel on pourrait s'attendre, c'est tout d'un coup plein de propositions. Et vous, ça avait été un peu l'inverse, comme si les réalisateurs considéraient que vous alliez être trop prise et que vous n'étiez plus disponible pour tourner dans leur film. On en dit des conneries. C'était dans le Figaro. Il y a peut-être un problème de traduction. C'était dans le Figaro. Non, mais il y a une règle de... Très bonne vanne de morale, j'adore. Il y a une règle dans le César, c'est que c'est pas parce qu'on a un César qu'on travaille beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont... Voilà, mais non, pas, en tout cas, à cette époque-là, c'était pas le cas. Je vais bien, ne t'en fais pas, il y avait aussi... Évidemment. Oh, mais oui. Mais oui. Aaron. Et ils seront dans Taratata, évidemment. C'est pour ça que je me faisais un plaisir de les réentendre là maintenant aussi, avec leur nouveau titre. En 2014, voilà ce qu'écoutait Mélanie Laurent. Là où je suis née. Toujours très en retard sur quand ça sort. Non, mais ce que j'aime là dans ces choix, c'est justement là, on prend pas forcément le tube qu'il y avait en 2014, mais on prend ce que vous écoutiez, ce qui était votre bande originale de votre vie. Bah, c'était le docu Demain, donc on était sur la route tout le temps, puisqu'on était dans 10 pays, et c'est une chanson que j'adorais écouter en regardant les paysages d'Inde, d'Angleterre, d'Islande. C'est l'aventure donc de Demain dont on a parlé déjà tout à l'heure avec Leïla. Vous réalisez ce documentaire, vous le... Avec Cyril Dion. Oui, voilà ce que j'allais dire. Cyril Dion, vous qui êtes cofondateur de l'ONG Colibri avec Pierre Rabhi, dont on a entendu la voix et surtout le propos sur le bonheur tout à l'heure. Vous avez été aussi productrice ou coproductrice de ce film, c'est-à-dire vous avez investi pour soutenir le projet. En fait, maintenant, oui, comme je travaille toujours avec le même producteur qui s'appelle Bruno Lévy, maintenant, à chaque fois qu'on a un projet artistique ensemble, on le coproduit. Parce qu'il a pas été... tous eu la même chose, en fait, avec Cyril et d'accord. Bruno. Il n'a pas été facile à monter Oui et non, c'est-à-dire qu'on a eu cette surprise extraordinaire des gens sur Internet avec le crowdfunding où on demandait 200 000 euros en un mois. Et vous avez eu plus? Et on les a eu en deux jours. Ouais. Et surtout, et je crois que vous détenez le record du documentaire qui a eu le plus d'argent par les internautes au monde. C'est-à-dire aucun documentaire n'a eu un financement par crowdfunding aussi important. Ouais, c'était fou. Et l'argent que vous avez eu en plus, vous avez claqué comment? Vacances, argent, du coup, ça nous a fait un jet un privé déjà, parce qu'on a fait tout en jet, en fait. Je comprends. Ouais. Okay. Ça coûte cher, le jet. Et puis le bilan carbone, on s'en fout complètement. C'est pas parce qu'on fait un film écolo qu'on l'est. Hein. Moi, personnellement, je précise que tout ça est de l'humour. Attention, merci. Mélanie fait non de la main. C'est dégueulasse. C'est moche. C'est moche. Évidemment, ce documentaire qui a déjà 2-3 ans, qui a réuni d'ailleurs combien de personnes en tout. Vous arrivez à savoir entre ceux qui le voient, ceux qui l'ont vu au cinéma, mais ceux qui le voient aussi en VOD, ceux qui achètent le DVD, le nombre de gens touchés? Parce que moi j'ai l'impression que ça se compte en millions, non? En millions, je ne crois pas, mais plus d'un million en salle. Ouais, bah déjà, bah, donc... Ouais, bah c'est bien. Ah ouais, bah, génial. C'est bien pour un documentaire, c'est immense. C'est énorme. C'est immense, ouais. C'est immense. C'était inespéré. Et ça veut dire que les gens avaient envie d'apprendre des choses sur l'écologie, ce qui était quand même plutôt pas gagné, bon signe. Votre rêve le plus cher, c'est qu'il ait un impact politique. Oui, enfin qu'il ait même un impact citoyen, en fait. Parce que j'ai l'impression que ça passera par là. Vous en avez parlé avec Anne Hidalgo? Dis donc, qu'est-ce que vous avez? Bah, ça serait bien, moi je rêve. Il est vraiment temps que j'aille boire un café avec. Bah oui, il faut aller voir Anne Hidalgo. Mais vous imaginez si à Paris, on recyclait 80% des déchets de Paris? Bah, c'est surtout qu'il est temps qu'on communique tous ensemble. Non, mais quand il y a un super exemple qui se fait quelque part, qu'on aille l'apprendre partout. Mais j'imagine quand on s'engage pour un film comme celui-ci, qu'on le coproduit, qu'on le co-signe, qu'on ne peut pas en rester là. J'imagine qu'on a besoin d'en faire quelque chose, donc politiquement, d'aller rencontrer des grandes instances internationales. Est-ce que c'est... Vous on ne peut plus se débarrasser, que... on peut pas se débarrasser d'un projet comme ça, ça va vous coller à vie. Et c'est peut-être compliqué aussi d'assumer ce rôle-là, parce que ce n'est pas nécessairement votre mission première dans la vie. Le rêve qui s'est passé, le miracle presque qui s'est passé avec ce film, c'était que les gens aient le voir et que les gens aient envie de faire quelque chose. Plus que d'essayer de convaincre les politiques qui, à mon avis, sont au courant de tout ce qui se passe et qui ont du mal à décider qu'il va falloir complètement changer et repartir à l'inverse et reproposer d'autres choses. Il faut énormément de courage pour faire ça. Donc nous, on voulait un éveil citoyen. Ce qui s'est plutôt passé, donc c'est absolument merveilleux parce que les gens dans la rue, ils nous disent... bon bah j'ai tout changé quoi. Parce qu'en plus c'est souvent très radical hein. Les gens tout d'un coup ils décident d'arrêter leur boulot et ils décident de faire autre chose et ils ont tous en général un grand sourire. Mais là si vous aviez à donner un conseil pour être plus éco-citoyen, ce serait lequel? Le premier, le plus facile à appliquer, ce serait quoi? Le boycott. C'est violent. Le boycott de quoi? Bah de plein de choses. Alors justement de produits. C'est violent, c'est violent parce que malheureusement ça concerne des gens qui d'un coup s'ils sont boycottés ne vont plus pouvoir travailler ou ne pourront plus. Oui, mais il est temps aussi de développer d'autres grandes choses. Le business green en fait ne demande que ça, hein, d'exploser. Mais en France, et le boycott de créer énormément d'emplois. Et... En France, c'est très très dur justement boycott citoyen. Ouais. Alors que dans les pays scandinaves, par exemple, je pense qu'on lâchait une grande société pétrolière polluée à la mer du Nord, ils avaient boycotté les stations-service qui sont. C'était quoi? C'était Shell, Elf, Total. Je crois que c'était la Shell. Il me semble. Shell, je me trompe peut-être. C'est bon, j'ai cité les trois de toute façon comme ça. Pas avoir un procès. Donc une grande compagnie pétrolière. Et le boycott avait été très efficace. En France, c'est très très difficile. C'est pas dans nos mœurs, hélas. Et là, c'est quel genre de boycott? Enfin, mais sans donner de marque, bien sûr. Sans donner de marque. Quand on devient végétarien, c'est une sorte de boycott. C'est-à-dire, je décide d'arrêter de manger. De la viande qui va dans les abattoirs. Et... Donc ça, c'est un boycott. Donc voilà, par exemple, devenir végétarien pour l'air, pour l'ozone, pour... Boycotter des produits dégueulasses. Et voilà. Ça, c'est un bon boycott. Et l'autre truc dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment pas compliqué. Mettez, à partir de votre téléphone, on a toujours des alarmes comme ça. Mettez le chronomètre à 5 minutes dans votre téléphone quand vous prenez une douche et vous vous rendrez compte... Et faites pipi dans la douche. Non, mais c'est beaucoup. C'est 5 minutes, c'est beaucoup déjà. Oui, mais enfin, il y a toute une campagne, je sais pas qui a lancé ça. Excusez-nous. Non, il dit fais pipi sous la douche, mais que pipi. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit. Comment c'est Alison. C'est Alison. Et en plus tu balances, t'es vraiment une merde. C'est mauvais. Je l'ai dit loin du micro. Et c'est... La pauvre, sa première. Ok. Donc. Peux-tu nous faire une chanson sur le pipi sous la douche? Le pipi sous la douche. Mais surtout pas. Il y a toute une campagne avec où il y a des stars qui se prennent en selfie sous la douche en montrant le chiffre 5. Ah non, mais elles sont comme ça sous la douche. Non, mais allez voir sur les réseaux en montrant le chiffre 5 et en disant restez que 5 minutes sous la douche. C'est juste en disant le nombre d'économies en litres, en millions, en milliards de litres d'eau que l'on ferait à la planète si on ne restait que 5 minutes. Mais faites-le et vous vous rendrez compte. Que la facture d'eau sera moins chère. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'au début, moi, je me suis fait avoir. C'est-à-dire, j'ai mis chrono à 5 minutes en me disant, mais évidemment que ça ne dure pas plus de 5 minutes. Et ça a sonné et j'ai voilà. En même temps, vous êtes hyper crâne. Hein. J'avais pas fini. Vous êtes hyper crâne. J'avais pas fini mon shampoing. Et ben maintenant, je suis très. Oh, le shampoing, c'est surfait. Ouais, le shampoing. Surtout avec pour toi. C'est surfait. Un coup d'éponge avec du sif. Et surtout. Et monsieur propre. Et depuis là, une semaine ou deux, j'ai largement fini avant que ça sonne à 5 minutes. Elle a raison. Maintenant, je vais le remettre à 4 minutes et ainsi de suite. Non, mais voilà, c'est des petits gestes comme ça. Mais parce que quand on commence à le faire, on se rend compte que d'abord, c'est pas si compliqué. Ouais. Et ça change tout. Et on devient presque un peu accro à ces petits gestes du quotidien. Et on devient chiant avec les autres ou pas? Ah non, je crois que là, en fait... Je vais chez la douche, tout le monde pour couper le robinet. Voilà. Non, mais je crois que le documentaire, en tout cas, il a plu parce qu'il n'était pas mon réalisateur. Ouais. Mais je crois qu'il faut surtout pas. Et qu'il est optimiste, c'est-à-dire que c'est des solutions. C'est pas des forces. Il n'y a pas que des cris d'alarme, c'est pas... on va tous mourir, ça, c'est malheureusement vrai. Il faut pas commencer à dire aux gens, faites voilà les solutions. Ça. Faut juste dire, moi je fais ça. Comme planter des fruits en Angleterre, c'est ça, je sais plus dans quelle rue. Planter des fruits en Angleterre. Non, ici, il y a pas, c'est une rue. Je me souviens plus. Dans Paris? Non, dans le film. À Todmorden et Totnes. C'est ça. Ils font des fermes urbaines. C'est ça. Nous avons demandé à Christine Barr. Merci Christine de venir à notre micro. Merci Christine. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Ça va? Ok, j'attends la vanne. Ok, on y va. Non, on dit bonjour, on est poli. Historienne, spécialiste de l'histoire des femmes, professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers. Christine a publié une dizaine d'ouvrages sur l'histoire des femmes et du genre. Les filles de Marianne, l'histoire des féminismes de 1914 à 1940, c'était chez Fayard. Vous avez publié Les garçons, mode et fantasme d'années folles chez Flammarion. Vous avez dirigé un siècle d'antiféminisme et histoire et mémoire de planning familial, les féministes à la deuxième vague. Enfin bref, la totale. C'est une spécialiste du genre. On voulait parler des femmes et des femmes dans la société française au 19e siècle. Donc vous êtes évidemment éminemment bien placé pour en parler. Ce qui est important, c'est de parler des femmes et pas de la femme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir sectaire en mettant toutes les femmes dans le même panier. Bah, disons que dire une femme ou la femme, c'est vraiment le mythe. Les femmes, c'est la réalité sociale, la diversité. Quand on dit l'arabe ou le juif, on comprend tout de suite ce que c'est de raciste d'employer le singulier. Moi, je comprends qu'on parle de moi, mais... Et il serait temps qu'on ait le même réflexe antisexiste avec la femme. Oh oui, mais je vous adore, Christine. Restez. Attends, parce que c'est pas fais gaffe, c'est pas réciproque. Elle m'a dit qu'elle te détestait. Ouais, c'est pas grave, parce que justement, j'ai ce féminisme en moi suffisamment grand pour accueillir même quelqu'un qui me déteste. Oh. Alors, le... Ouais, joli. C'est pas le cas. Et en plus, c'est pas le cas. Dans le film Éternité, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voyait à quel point alors pardon pour cette expression, j'allais dire les femmes étaient considérées comme des pondeuses. C'est pas très délicat, mais en l'occurrence, ça a le mérite d'être clair. Non, mais le film pourrait s'appeler Fécondité. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, mais en même temps, c'est la réalité déjà de la famille qu'il y a dans le roman, mais c'était la réalité de l'époque aussi. C'était dans ce milieu bourgeois. Non, peut-être pas à ce point-là, quand même. D'accord. C'est une des caractéristiques démographiques des classes sociales très, très supérieures. D'avoir autant d'enfants, c'est un trait culturel, c'est un trait identitaire de la haute bourgeoisie. Parce que dans la bourgeoisie, dans les classes moyennes, et même chez les prolétaires, on a moins d'enfants, justement dans l'espoir d'une ascension sociale. Et pour éviter le partage des terres aussi. Donc depuis la fin du XVIIIe siècle, il y avait une réduction de la fécondité en France, volontaire, même s'il n'y avait pas la contraception. Mais dans les classes vraiment très privilégiées, les classes de loisirs, ben on restait sur un modèle avec de nombreux enfants qui allaient prolonger les traditions et créer ce sentiment d'éternité. Bon, l'éternité, on est d'accord, hein, ça n'existe pas, mais il y a des processus d'éternisation en quelque sorte. La France éternelle, ça peut nous renvoyer à Vichy, par exemple. Ouais. Et un papa, une maman, c'est un peu cette idéologie-là. Ben, implicitement, et je pense totalement involontairement, on peut avoir cette vision-là du film. Et il y avait un taux de mortalité aussi qui était important, qui va justifier justement là, que la femme... Ah, je vous confirme sociales, immédiatement que c'est le réalisateur le moins fasciste et le moins... Évidemment, non, mais bien sûr, évidemment, c'est involontaire, mais... Et est-ce qu'il y a des dates dans l'histoire, en l'occurrence dans notre histoire, des dates clés de la condition féminine Bien sûr, mais c'est toujours difficile de résumer à des dates, parce qu'il y a des évolutions mentales qui prennent du temps. Il y a quand même une évolution. Oui, je pense que la grande évolution, transformation, même révolution, c'est les années 60-70. Que les femmes aient justement gagné le contrôle de leur fécondité, c'est une révolution, mais à l'échelle des siècles et des siècles de l'histoire de l'humanité. Et quand vous entendez des discours qui veulent revenir là-dessus, ça vous fait quoi, vous ? Ben, ça me fait que j'écris des livres sur l'antiféminisme, j'organise des colloques sur le masculinisme, je dis qu'il faut être très attentif à l'extrême droite et à l'extrême droitisation d'une bonne partie de l'opinion, et que c'est pas gagné le droit à la contraception, à l'avortement, la mobilisation pour tous réouvre cette boîte-là, en fait. Hein. Donc rien n'est acquis. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que les combats continuent, il faut pas baisser les bras, comptez être vigilant. On est encore bien loin de l'égalité et de la liberté. Ce que j'ai dit, on en est où en 2016, femmes, justement. Et c'est pas les hommes contre les femmes, en plus. Non. Parce bien sûr, c'est pas si caricatural que ça. Ouais. On en est où pour vous en 2016 dans la place de la femme ? Ouvert, à moitié vide ou à moitié plein. Donc on peut valoriser ce qui a été obtenu. Ça serait complètement idiot de passer à côté de ça. Moi, ça me rend plutôt optimiste, quand même, qu'il y ait eu tant de changements en si peu de temps. Donc on peut continuer. Mais on pourrait aussi connaître des retours en arrière terrifiants. Si on n'est pas vigilant. Comme ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc moi, c'est mon repère, ma boussole, ce qui s'est passé en France dans les années 30 et dans les années 40. Ça s'est préparé culturellement. Et aujourd'hui, il y a des signes très inquiétants de remontée de ces idées nauséabondes. Et les femmes sont toujours bouc émissaire. Et, oh là là. Et parmi les premières victimes de tout ça, donc je ne veux pas plomber l'ambiance, mais... C'est important. Voilà, si on veut continuer à s'amuser librement, à avoir une sexualité comme bon nous semble... À s'habiller comme on veut. S'habiller comme on veut aussi, j'ai l'impression. Pas n'importe comment non plus. il faut être vigilant. Non mais pour relever ce que vient de dire Leïla, il y a, c'est vrai, des filles qui se posent la question de savoir, en tout cas par exemple à Paris, quel est leur le planning que vont-elles faire dans la journée, est-ce que oui ou non elles vont devoir rentrer en prenant le métro, donc est-ce que je mets oui ou non une robe ou une jupe parce que c'est monstrueux d'en être encore là sujette et... à, à remarques désagréables. Donc comment on change ça, pas seulement avec des lois. Mais avec quoi? Avec l'éducation, avec les rôles, oui, le rôle des parents. Oui, et au lieu de diaboliser les tentatives qui ont été faites dans l'éducation nationale, les ABCD de l'égalité, etc., il faut s'attaquer aux gens. Et c'est vrai que pour moi, le féminisme, c'est pas seulement une question pour les femmes. C'est aussi les hommes, quoi. C'est absolument, comment on éduque les hommes et comment on met en cause un modèle de virilité qui est extrêmement négatif pour tout le monde, mais pour la planète, pour le cours de l'histoire, pour notre avenir, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Merci Christine d'être... Ah, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais une question, Christine, ça m'intéresse. Est-ce que vous pensez que les hommes vont prendre la pilule contraceptive un jour ou est-ce que c'est un rêve qu'on a? Oui. Mais il y a les préservatifs déjà, que... si je peux me permettre. C'est difficile à mâcher. Et c'est pas ingéré de l'hormone, tu vois. C'est pas ingéré de l'hormone. Parce c'est pas un dérèglement hormonal. Et ouais. D'accord. Voilà. Pardon. Bah, c'est vrai que vers où on va, moi, la question du transhumanisme, de l'homme augmenté, de la femme augmentée, je trouve des questions qu'il faut se poser. Ça fera peut-être disparaître la différence de genre, la sexualité telle qu'on la connaît. Et c'est des perspectives vertigineuses et assez inquiétantes. Donc ça serait bien d'en débattre, parce que ça avance beaucoup déjà aux États-Unis là-dessus. On n'en parle pas encore beaucoup en France. Ça, c'est histoire de vous inquiéter. Non, c'est pas de nous inquiéter, c'est histoire de nous faire réfléchir. On peut réfléchir, mais ça va être inquiet. Mais disons que l'humanité telle qu'on la connaît, elle n'est pas éternelle. Merci Christine Barre d'être venue mettre de l'ambiance autour de ce micro. Mais merci pour vos réponses brillantes et intelligentes. Revenez quand vous voulez, mais alors... Celui qui a réponse à tout, évidemment, c'est Daniel Morin. C'est vrai. Et écoutez bien Christine, parce que Daniel Morin va vous dire ce que l'on peut faire pour que les femmes trouvent enfin une vraie place dans notre société. Ah non, Nagui. Quoi? Oh là là, nom de Dieu, monsieur Guy. C'est pas la bonne question. Bah si. Flûte, crotte. La bonne question, c'est pourquoi la société doit impérativement donner aux femmes toutes les places. Les femmes, une fois encore, c'est le féministe convaincu que je suis devenu qui s'exprime. Je suis le premier fan de Christine, d'ailleurs, je vous l'ai dit à tous. Les femmes nous sont, dans pratiquement tous les domaines, bien supérieures, monsieur Guy. N'en déplaise aux phallocrates misogynes, masochistes, machistes que vous êtes. En ce début de troisième millénaire, déjà bien entamé, donnons à la femme les responsabilités qu'elle mérite, c'est-à-dire... toutes. On veut une présidente de la République. On veut un gouvernement 100% féminin. Tout ça pour une politique plus fine mais ferme. Enfin, là, une présidente de la République, moi, j'en ai pas trop envie. Là, non. On sait jamais. Il y aura peut-être d'autres vocations. La femme est honnête, contrairement à l'homme qui est un symbole de couardise. Si c'est vrai dans la vie, c'est aussi vrai en politique. Une femme ministre ne démissionne pas. Elle se bat. On veut des femmes à la tête de nos plus grandes entreprises. La femme se bat mieux que l'homme. Et elle saura arracher dans le monde entier les marchés relanceurs de consommation qui nous échappent à cause de l'incompétence masculine. On veut des chanteurs et des acteurs qui soient des femmes. La femme sait alterner profondeur et légèreté, alors que l'artiste homme n'est que lourdeur. On peut très bien se passer de l'homme. Oh, Daniel, je peux intervenir à nouveau? Oui, Père Albert, qu'y a-t-il? Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Comment ça? Eh bien, tu sembles oublier que la femme est avant tout une boule de vis qui n'est présente sur cette terre que pour emmener l'homme à sa perte. Eh bien, si la femme est une boule de vis, alléluia, comme on dit dans votre boulot, mon père, une armée de boules de vis saura relancer la natalité qui nous fait cruellement défaut. Je le dis, je le répète, donnons aux femmes non pas une, mais toutes les places et notre monde ne s'en portera que mieux. Et en plus, si les femmes occupent toutes les places, ça veut dire que l'homme pourra enfin se livrer à son activité favorite. Ne rien foutre. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Je suis pas obligé d'applaudir Christine, hein, parce qu'elle a hésité, puis après elle s'est dit, tiens, il me regarde, je vais applaudir. Non, vous n'êtes pas obligé d'applaudir. Totalement libre. Enfin, vous pouvez applaudir quand même. Hein. En France, totalement libre. Mélanie Laurent est notre invitée, nous parlons de Éternité, juste après Chris Gardeau, la plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir, je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras. Tous les mots que je veux entendre murmurer par toi, par toi. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonné et les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Quand la nuit refermait ses ailes, j'ai souvent rêvé. Rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser, la plus belle pour aller danser, la plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Chris Garneau. Ça met à la pêche. Danse. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'aime bien. Il y a... Le cri du cœur. Ça fait rire Christine. Il y a un groove dans la voix en tout cas. La plus belle pour aller danser, sa version. Mélanie Laurent est notre invitée. Je vais commencer toutes mes phrases par je n'oublierai jamais. Mélanie, vous les concluez comme vous l'entendez. La tête. C'est Richard Lornac qui nous accompagne. Je n'oublierai jamais que dans ma maison d'enfance, il y avait... De la joie. C'est déjà bien. Je n'oublierai jamais qu'enfant, je rêvais de devenir... Ça va être très niais. Heureuse. Non, je voulais être vétérinaire, après je voulais être fleuriste, après je voulais être réceptrice. Bah voilà, enfin, donc... bah très bien. Vous avez raté votre vie, quoi. Voilà. Je n'oublierai jamais ma devise. Avez-vous une devise dans la vie ? Ou celle que vous cherchez à inculquer à vos enfants ? Pardon, c'est horrible. À chaque fois que je vais sortir l'émission et je vais la retrouver, et puis en fait... Vous nous appelez à ce moment-là ? Voilà, à la suivante. Je te fais un texto. Je n'oublierai jamais la manie que j'ai. La manie ? Ouais. Têtu, non, c'est pas une manie. Maniaque Ah non, non pas maniaque. J'aimerais bien l'être un petit peu. Alors bordélique. Très bordélique. Ah voilà. Très bordélique. Je n'oublierai jamais mon obsession pour... L'envie de faire des choses. Je n'oublierai jamais mon auteur préféré. Il y en a plusieurs. Là dernièrement j'ai lu L'Empereur du Portugal de Salma Lagerlöf. Je n'oublierai jamais mon acteur préféré. C'est dur de répondre tout de suite. C'est horrible. Mon acteur préféré, bah, je sais pas. En tout cas, il est pas connu. Hein. je sais pas, j'arrive pas à me concentrer. Je peux revenir après ? Non. Enfin, tu te le redis. Y a pas un acteur, y a pas Pierre un acteur. Pierre Delalouche. Non. Voilà, non. Pierre Delalouche. Non, c'est pas à toi de Denis répondre. Denis Ménochet. Votre chanteur préféré ? Brel. Ah bah voilà, ça vient plus vite. Oui, mais oui. Ah. Je n'oublierai jamais mon héros dans la vie. Mon héros dans la vie. Balkany. Arrêtez de répondre pour elle. Mon héros dans la vie, ce serait. le père de mon fils. Oh. Allez, cette musique, si elle est un peu hormonale, on chiale direct. Mélanie Laurent est notre invitée dans la bande originale jusqu'à midi. Du lundi au vendredi à 14h sur France Inter, La Tête au Carré, Mathieu Vidard. Plongé dans le bouillon scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, émission sous carapace avec les tortues et la revue Nature La Salamandre. Vos questions et les réponses en direct des chercheurs. La Tête au Carré. Avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 14h. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Les frères Karamazov de Dostoïevski, mis en scène par Franck Castorf. Du 7 au 14 septembre, à Bangkok, nouveau lieu culturel installé à la Courneuve avec la MC 93, et le Festival d'automne à Paris. Franck Castorf s'empare de ce monument de la littérature russe pour faire entendre ici et maintenant l'histoire des quatre frères Karamazov. Aventure épique et débordante, interprétée par 11 acteurs totalement engagés. Retrouvez les frères Karamazov dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Ça y est, elle a retrouvé son comédien préféré, l'acteur Edouard Norton. Ça y est, on l'a. Il est bien midi, oui, sur Inter. Les infos, Lionel Thompson. Merci Nagui, à tout à l'heure. La France demande à nouveau au Gabon de publier le détail des résultats de l'élection présidentielle, bureau par bureau. Les résultats de ce vote doivent être parfaitement clairs et transparents, a précisé Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères. Les violences ont repris ce matin dans un quartier de Libreville, la capitale gabonaise, après la proclamation hier de la réélection du président sortant Ali Bongo. Réélection contestée par l'opposition. Dans la nuit, les forces de sécurité gabonaises ont pris d'assaut le QG du candidat de l'opposition, Jean Ping, faisant 2 morts et plusieurs blessés, d'après les opposants. Des incidents qui ne sont malheureusement pas surprenants pour Vincent Hugeux, journaliste de l'Express et spécialiste de l'Afrique. Il ne faut pas oublier non plus que le Gabon a une histoire de violence politique post-électorale assez soutenue, puisque en 2009, lors de la première élection d'Ali Bongo après le décès de son père Omar, élection déjà extrêmement controversée au demeurant, vous avez eu à Port-Gentil des émeutes, mais qui pour le coup étaient plutôt dirigées vers des symboles français, puisque Paris passait pour avoir adoubé au moins officieusement Ali Bongo comme le candidat souhaité. Il y a un phénomène qui est évidemment préoccupant pour le pouvoir en place, c'est d'abord que ces émeutes ne sont pas à ce stade circonscrites à Port-Gentil. Et ce qui me revient de contact sur place, c'est que vous avez des villes moyennes de province qui ont également connu une nuit agitée. Alors, ça ne signifie pas du tout que le pays va s'embraser. Pourquoi ? Parce que n'oublions pas que Ali Bongo, avant d'être le président contesté que l'on sait, a été pendant une dizaine d'années le ministre de la Défense. Que depuis lors, il s'est employé à placer au poste clé de l'appareil de force publique des fidèles ethniques et politiques. Vincent Hugeux, invité ce matin de France Info. On reviendra bien sûr dans le journal de 13h avec Bruno Duvic sur ces événements au Gabon. C'est la rentrée des classes. 12 millions d'élèves ont repris ce matin le chemin de l'école. Un peu de stress pour les enfants, mais aussi pour les parents. François Madoff a assisté à cette rentrée dans le 8e arrondissement de Lyon, à l'école primaire Louis Pergaud. Le bruit et le chaos ont repris leurs droits dans la cour de récré de l'école Louis Pergaud. Assis sous le préau, Aboubacar compare ses fournitures avec ses copains, Elias et Mohamed. Bon, moi j'ai un compas. Comme ils ont demandé à l'école... J'ai une trousse, deux trousses, comme ils ont demandé sur le papier des fournitures. Aussi plein de crayons, aussi avec des feutres. J'aime bien la rentrée, mais je préférais rester en vacances à la plage avec tout, nager comme c'est ça, piscine. C'était super cool. Moi, je trouve que je suis contente de la rentrée. Ça m'a manqué, je voulais voir tous mes copains parce que je faisais rien pendant les vacances, je m'ennuyais, je jouais pas avec mes potes parce que je les voyais même pas. Ghislaine, la maîtresse, aborde cette année les nouveaux programmes et elle est plutôt satisfaite, notamment de l'accent mis sur l'éducation civique et morale. C'est important dans le contexte actuel de rappeler certaines valeurs, de remettre les choses dans leur contexte avec des discours qu'on entend de part et d'autre et qui peuvent être instrumentalisés. Mal compris, donc une émission de l'enseignement, c'est via l'éducation qu'on peut éclaircir les idées, donc c'est pour ça que je suis enseignante d'ailleurs. Allez, on serre les rangs et on rentre en silence, pour les CE2CM1 cette année, c'est avec Madame Gonnez. Bon, alors bah, déjà, bonne rentrée à tous. J'espère que vous êtes contents, en forme. À Lyon, François Madoff pour France Inter. Vous avez passé de bonnes vacances. Et une rentrée qui ne se fait pas que dans la bonne humeur, mais aussi sous le signe de la contestation de la réforme des collèges, avec un appel à la grève dès le 8 septembre. François Hollande indique, lui, ce matin, que le lycée doit être la prochaine étape des réformes. La Commission européenne fait son travail en demandant à Apple de restituer 13 milliards d'euros d'impôts, estime le ministre français de l'économie et des finances, Michel Sapin. Dans un entretien publié aujourd'hui par la presse irlandaise, le PDG d'Apple, Tim Cook, considère lui que cette amende est une stupidité politique absolue et menace de rapatrier une partie des bénéfices du groupe aux États-Unis. Comme d'autres multinationales, Apple profite d'un régime fiscal très avantageux en Irlande et ne paye presque pas d'impôts. L'Europe considère qu'il s'agit d'une forme d'aide publique illégale. Grève levée à la compagnie aérienne Aigle Azur. Le syndicat de pilotes SNPL avait appelé à une grève de 2 jours pour protester contre le rythme de travail. Des négociations menées hier ont permis d'aboutir à un accord et d'éviter la grève. La compagnie Aigle Azur, deuxième compagnie aérienne française derrière Air France, dessert notamment l'Algérie. La famille d'un viticulteur bordelais va déposer une nouvelle plainte contre les fabricants de pesticides. Jean-Bernard Murat est mort en 2012 d'un cancer qui a été reconnu maladie professionnelle. Une première plainte contre X déposée par sa famille l'an dernier avait été classée sans suite au printemps dernier. Selon l'avocat de la famille, les produits en cause dans le décès du viticulteur utilisés pour traiter sa vigne sont fabriqués par les sociétés Aventis, CMPA et Littoral. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h. La récréation ? Et si on faisait une pause ? Vincent Josse. On se retrouve à la récré pour un moment musical, du classique, du jazz. L'important, c'est que la musique vous étonne, vous émeuve, vous fasse du bien. La récréation, du lundi au vendredi sur France Inter. À tout à l'heure. À partir de 16h. À retrouver aussi en podcast sur franceinter.fr. Moi, c'est Chloé. Je partage un appart avec 2 colocs. Et des 3, je suis clairement la plus désordonnée. Je laisse tout traîner derrière moi. Non, je reconnais, je manque de sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Ils vont même plus loin. Mon offre MGEN inclut des services d'assistance. Par exemple, si je suis immobilisée après un accident, devinez quoi ? J'ai droit à une aide ménagère. Chloé a choisi MGEN. Et vous ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. À 13h, c'est François Soudan, le directeur du journal Jeune Afrique, qui sera l'invité de Bruno Duvic pour parler évidemment du Gabon. Et vous, votre invité, Nagui, c'est Mélanie Laurent. Exactement, tout est dit et bien dit par Lionel Thompson qui reviendra toute l'après-midi pour vous informer. À tout à l'heure, Lionel. À tout à l'heure. Merci. Alison Wheeler. Bonjour. Non, c'est pas toi. Ah, non. Gabrielle Morin. Bonjour. Voilà. Albert Agou. Bonjour. Et Charles Lac est au casier. Ah, bon. Et notre invité, Mélanie Laurent. Non. Ah, vous êtes restés. C'est sympa. Mélanie Laurent, qui est à l'affiche donc, de ce film aux côtés d'Audrey Tautou, Bérénice Bejo, mais également Jérémy Régnier, Valérie Straud aussi, que je n'ai pas cité, pardon, Philippine Laura Beaulieu aussi, Pierre de la Donchamp, que je cite encore pour Merci. Faire plaisir à Leïla. Tellement exceptionnel. Oui, très bel homme. Avec l'adaptation de ce roman d'Alice Fernet, L'élégance des veuves, un roman qui est sorti en 95, que vous aviez lu et qui vous avait touché et ému avant même que le réalisateur Tranan Nguyen vous en parlait. Vous l'avez même bluffé en reconnaissant dans son pitch cette histoire, qui est une histoire vraie, qui est l'histoire de la famille, de l'arbre généalogique féminin d'Alice. Et c'est ce que veut montrer ce film dans sa contemplation. C'est aussi un portrait de famille et de transmission. De naissance en naissance, avec des malheurs, beaucoup de malheurs, parce qu'on pleure quand même beaucoup. Je sais pas si vous avez pleuré. Oui, ou mais pas beaucoup. Bah voilà. Oui, mais j'ai pleuré aussi de joie. Enfin, j'ai été. À la fin du film. Mais pendant le film. Oh, c'est horrible. Non, il y a des moments. Non, le film finit sur une très belle image de joie et de bonheur. Mais est-ce que ça veut dire justement que dans le bonheur immédiat, dans ce carpe diem, dans cet instant présent, dans son jaillissement, il ne faut pas oublier tous les malheurs qu'il y a pu y avoir dans nos familles avant. Non, mais il faut replacer tout à l'époque. C'est-à-dire qu'un enfant, il avait une pneumonie, le lendemain matin, il en mourait. Les enfants qui partaient la guerre à 17 ans ne revenait pas. Donc on parle aussi d'une époque qui n'existe plus aujourd'hui pour nous. Et, certaines mamans ne survivaient pas à certains accouchements aussi. Oui, et puis on mourait en donnant la vie. C'est donc, ça. Donc on parle, oui, le film parle de tout ça, mais je trouve avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et puis surtout, il a ce talent de nous faire... on s'attache énormément à des personnages tellement vite, à des enfants par exemple, et puis il fait un montage complètement déstructuré, il va aller chercher des flashbacks, il va les remettre au présent, il va s'amuser comme ça avec le temps pendant tout le film. Et je trouve que ça fait qu'on a le cœur un peu gonflé de plein d'histoires, de plein d'histoires d'amour, et qu'on porte avec eux les chagrins et en même temps les grandes joies. Il y a une actualité chargée pour vous, puisque vous avez tourné votre nouveau film qui s'appelle Plongée, qui est l'adaptation également d'un roman de Christophe Onodibio, est paru chez Gallimard en 2013. Vous l'avez... C'est le roman qui vous a choisi ou c'est vous qui avez choisi le roman? c'est toujours un peu les deux. C'est-à-dire que c'est un auteur qui a envie de voir son livre adapté et puis tout d'un coup c'est... Moi, c'est certaines pages du livre qui m'ont donné très très envie d'en faire un film. Et après, on s'est rencontrés et il m'a laissé beaucoup de liberté d'adaptation. Une rencontre, alors, est-ce que c'est toujours une rencontre qui dynamite tout? Est-ce que c'est une histoire d'amour avant tout? Dans le film, oui, ouais. Oui. C'est l'histoire d'une quête. Ou alors, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez fait de Plongée? Non, c'était très très compliqué à adapter parce que... Alors, qu'est-ce qui vous a touché pour l'adapter les 30 dernières pages, je les ai trouvées incroyables. J'avais très envie de les voir à l'écran. Donc là, il faut rester très mystérieux parce qu'on n'aime pas dire ce qui se passe dans les 30 dernières pages. Oui. Non, mais c'est, en tout cas, c'est une quête, c'est une grande histoire d'amour. Et puis c'est sur un ancien reporter de guerre qui ne veut plus et ne peut plus vraiment voyager, qui rencontre et qui tombe fou amoureux d'une photographe qui, elle, n'a que envie d'aller voir ce qui se passe dans le monde. Ça sortira quand? Vous serez prête quand? Pour le grand plongeon? Là, aujourd'hui même, en fait, il est quelle heure? Oui. Il est 12h10. Voilà, toute la production découvre le film là, en ce moment. C'est vrai? Wow. Sans vous. Petit stress. Non. Oui, tout petit, comme vous avant la chanson. Mais ouais. Il y a Gilles Lellouche et Maria Valverde. C'est ça. Vous serez prochainement à l'affiche de Mon nom à Pigalle de Amé et Coué avec Reda Kateb. Et le 26 octobre, vous serez à l'affiche donc, de L'Attrape-Rêve, titre que vous venez de découvrir. Ça vous plaît? Originalement, ça s'appelait comment? A Loft. Et à la base, s'appelait Cry Fly. Rien à voir avec la trappe. Mais c'est pour ça que la trappe-rêve. Mais le film est magnifique. Claudia Lyossa avec Jennifer Connelly, Una Chaplin et donc Mélanie Laurent à l'affiche. Et Cillian Murphy. De ce film. Voilà qui est dit. Et voici l'humeur de Daniel Morin. Ah. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la rentrée des classes où il aura sonné pour 12 millions de morveux d'arpenter à nouveau les trottoirs avec cet air idiot qui leur est propre, ce rire con qui les caractérise, ce cheveu gras qui les accable et cette acné qui donne à leur peau l'éclat dont manque leur esprit. Tenez, puisque vous êtes là, Maréchal, je vais en profiter de votre présence pour vous demander ce que ça évoque pour vous, la rentrée des classes. Du dégoût. Comment ça? Je ne supporte pas les mioches. Je hais ces individus mal formés, mal finis, qui se déplacent en bande et qui couinent comme des gorées. Il me semble que vous oubliez que vous avez été un enfant, Maréchal. Négatif. Comment ça? Petit, Monsieur Morin, j'étais déjà adulte. Petit, Monsieur Morin, j'avais déjà le sens du devoir. Et petit, Monsieur Morin, j'en avais déjà dans le froc. Bon, si je comprends bien, la rentrée des classes est un événement qui ne vous touche pas. Ce qui me touche... Ne vous regarde pas, Morin. Vous pensez quoi des réformes qui touchent l'école? C'est de la merde. Pourriez être plus précis? Je trouve que tout ce qui est réforme de gauche est une erreur. Avec ce gouvernement de gauche, de lopette qu'on a, nos valeurs sont bafouées. On ne hisse plus le drapeau, on ne chante plus la Marseillaise, on n'a même plus le droit de cogner les gosses. Enfin, vous ne savez pas non plus que, comme en Corée du Nord tout récemment, on exécute notre ministre de l'Éducation. Ah! Si elle fait mal son boulot, ça mérite une sanction. Ok, ça suffira. Merci, Maréchal. De rien. Et puisqu'on parle de notre ministre, sachez qu'une grande décision a été prise pour cette rentrée. Najat Vallaud-Belkacem veut interdire la chasse aux Pokémon dans les écoles. La chasse aux Pokémon, le Pokémon Go, c'est le succès de l'été. Avec votre smartphone, vous êtes invité à attraper des Pokémon virtuels autour de vous, en vous approchant au plus près. La ministre craint des attroupements, des bousculades dans les établissements. En même temps, elle a raison, la ministre. C'est un véritable fléau, ce Pokémon Go. Il paraît que même en Conseil des ministres, tout le monde est contaminé. Stéphane Le Foll aurait essayé plusieurs fois de capturer Bernard Cazeneuve avec son portable. Dit qu'il le confond avec Pikachu. D'autant que certains ministres sont plus exposés que d'autres. Prenez Marisol Touraine, par exemple. La pauvre Marisol, avec ses grands yeux et son regard de lémurien affolé, elle a tout du personnage Pokémon. Elle sort de chez elle le moins possible. Ici aussi, à Radio France, la folie Pokémon a fait des dégâts. Notre animatrice martyre, Kathleen Evin, spécialiste de l'interview de gens qui souffrent, est aussi sévèrement touchée. La nuit, elle traîne dans les couloirs de la radio, son portable à la main, à la recherche du Pokémon écrivain chilien réfugié politique. Personne n'a eu le courage de lui dire que ce Pokémon n'existait pas. Elle a tellement l'air heureuse à l'idée de tomber sur un Pokémon en détresse et pouvoir l'interviewer sur l'oppression intellectuelle latino-fasciste. Bref, pas de chasse aux Pokémon à l'école en cette rentrée 2016. Allez, passons tout de suite et pour finir au dossier brûlant de la rentrée média. La moustache de Richard Lornac. Ça faisait 24 heures qu'on en parlait pas eu. C'est ça. Je sais pas si vous avez remarqué, Mélanie, mais Richard a perdu sa moustache et ça affole tout le monde. Je vous rappelle que notre pianiste virtuose est rentré de vacances sans sa moustache. La France ne comprend pas ce geste qui met en péril tout l'équilibre du monde libre et radiophonique. Bien entendu, la direction de France Inter a réagi. On écoute Laurence Bloch, la directrice de la station. La patronne. Madame la directrice, une réaction au rasage de moustache de Richard Lornac? Je suis absolument furieuse. Mais est-ce que ça va avoir des conséquences sur l'antenne de France Inter? Mais évidemment, ça va s'entendre qu'il est rasé, il va bafouiller, il va être inaudible, au piano il va se tromper de touche. Moi je vous dis que ça va être absolument catastrophique pour Inter. Est-ce que vous pensez qu'un tel acte est politique et que ça peut saboter la couverture média à la prochaine élection présidentielle? Moi je suis sûre que France Inter va perdre son identité. Un pianiste à moustache, oui. Ça fait de gauche. Un pianiste sans moustache, ça fait de droite. Donc personne ne voudra plus venir chez Patrick Cohen. Donc Richard Lornac, sans moustache, ça tue France Inter. Vous envisagez les sanctions? Je réfléchis. Je lui laisse une semaine pour laisser repousser sa moustache. Sinon, je lui retire le piano, je lui donne une guitare. Merci patronne. Voilà, vous l'avez compris, une affaire d'une telle ampleur. Je vais vous dire une chose. Merci, patronne. Ça ne m'étonnerait pas qu'un de ces jours, ce soit au programme de l'excellente émission Affaires Sensibles. En attendant, affaire à suivre. La bande originale, lundi, sur France Inter. Mélanie Laurent est notre invitée, on en est ravis. Et voici un brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudadi, spécialement pour elle. Mélanie Laurent, je vous sors de la promo, je vous donne un bol d'air, c'est notre moment culturel, notre brouillon de culture. Et j'aimerais commencer par vous faire écouter une petite musique importante pour vous. Sister Sledge. 1-1. Ouais. We are family. Et... Mélanie est dans la place. Vers à moitié plein. Avec Alison. J'ai rien fait. Mais si, on va s'en occuper, Alison. Je voulais vous faire écouter cette chanson parce que vous avez un rapport à votre famille qui est très fusionnel. C'est même une petite entreprise que vous n'hésitez pas à faire mettre sur le pont dans vos projets. Oui, enfin, sur le pont, ça fait un peu général, mais non, on travaille. Au taf, tu veux dire, c'est ça. Au boulot avec je vous. Je travaille avec mon frère qui. Enfin, je vois ça autrement. C'est-à-dire que je suis la grande sœur et j'ai eu l'impression, tant que j'ai pu, de pouvoir le protéger quand il était petit. Et puis aujourd'hui, c'est lui qui me protège et je trouve ça assez beau plutôt que d'être. C'est rare pont. Parce que moi, je ne citerai pas les deux noms, mais j'ai un frère connu qui m'a parlé de sa sœur connue et ils ont fait un projet ensemble. Et hier, il m'a dit c'est impossible, on ne peut pas travailler entre frères et sœurs. Ouais. On finit ce projet, mais je ne continuerai pas, je ne peux pas le faire. Donc visiblement, vous n'avez pas ce problème-là. Non, parce que chacun trouve sa place et ouais, on est très heureux de travailler ensemble parce que ça marche. Et ça va au-delà du frère, parce que pour la pièce de théâtre Promenade de santé de Nicolas Bedos, vos grands-parents. Qui était éditeur d'affiches, ont fabriqué celle de la pièce. Oui. Votre mère, qu'a-t-elle fait? Elle est venue voir la pièce. Elle a payé sa place. Ah non, elle m'a... Elle a payé sa place. Non, je faisais une danseuse. Enfin, je faisais une danseuse qui se prenait pour une danseuse, heureusement. Elle m'a coachée pour les deux, trois pas de danse. Parce qu'elle est professeure de danse. Oui. Et votre père, vous avez fait répéter le texte, c'est ça? Donc tout le monde est vraiment mis à contribution dans la famille. C'est cool. Vrai. Vous les payez ou pas? Oui, très cher. C'est pour ça que ça marche. On poursuit en ce jour de rentrée des classes. Je crois que votre premier petit a fait son entrée aujourd'hui. Eh bien, ça va vous replonger dans l'enfance. Quand j'ai quitté De Crolly, je suis tombée sur une prof de français qui s'appelait Madame Ben Saïd, qui adorait l'école. Et quand elle a su que je venais de De Crolly, elle a dit à ma mère, j'aurai au moins une élève qui pense par elle-même. C'est le témoignage d'une ancienne élève de l'école de Crolly à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, une école à la pédagogie alternative, une école où vous avez été scolarisée. Tout le collège, oui. Alors, c'était quoi cette expérience de pédagogie alternative ? Ben, on a pas mal au ventre quand on va à l'école. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir de notes parce qu'on n'a pas besoin de se comparer aux autres. On essaie d'évoluer par soi-même. Et puis, on n'avait jamais envie d'être... exactement, pardon, le propos de l'invité ce matin de Patrick Cohen sur les propositions de la nouvelle éducation. Un peu la méthode Montessori, c'est qu'il faut pas aller contre l'enfant, mais dans son sens. Il n'y a pas de rapport entre le maître et l'élève. Il y a un rapport de vouloir apprendre par toutes les manières possibles. Ce qui compte, c'est d'apprendre au final. Mais c'est ce qu'on a raconté dans Demain, le documentaire. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait en Islande à la fin, c'est ça. C'est les meilleurs résultats au monde de ces écoles-là, puisque, évidemment, l'élève est heureux. Donc, quand on est heureux, on apprend évidemment plus facilement. Ouais. Et votre enfant, vous avez envie de le scolariser dans un cycle comme celui-ci ou au contraire l'envoyer à l'école publique et se dire qu'il y a peut-être moyen aussi d'être efficace en tant que parent d'élève pour agir ? Exactement. Ah, mais oui. Exactement c'est quoi ? C'est moi, c'est le grand débat entre les deux. Non, malheureusement, De Croly est beaucoup trop loin de chez moi et que je ne veux pas lui demander de faire une heure et demie de transport pour aller à l'école tous les jours. Mais oui, c'est le vrai débat, je sais pas du tout. Finir par bouger parce que tout le monde en parle. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Est-ce que tu vas dans une école où tout est prévu et que tu payes? Parce que De Croly est une des seules écoles qui a ce système-là et qui est publique. Ça, c'est la grande force de cette école. Mais donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On paye pour que son enfant aille dans une école où tout marche, ou est-ce qu'on essaie de lui apprendre à changer les choses et à se battre? Et à dire qu'on n'est pas d'accord et à agir en tant qu'individu. Ouais. Et je finis avec ma petite prescription culturelle comme tous les jours. C'est une exclue, c'est Petit Pays, un roman de Gaël Faye chez Grasset, qui vient de remporter le 15e prix. C'est bien Gaël Faye. Pardon, excuse-moi. Ah, vous avez bras courts, les filles. Le 15e prix du roman FNAC, c'est week-end, il y a le forum FNAC Livre. C'est le premier roman de Gaël Faye, que tu connais parce que c'est un auteur, compositeur, interprète. Il raconte dans ce bouquin Petit Pays, qui vient de remporter le prix, l'histoire d'un petit garçon, Gabi, qui a 10 ans, qui sent entre ses parents les tensions monter entre les Hutus et les Tutsis. Mais c'est sa vie. C'est une partie de son histoire. Exactement. C'est un slammer, rappeur et chanteur vachement bien. Une belle plume en plus. Et il décide de se réfugier dans les livres, de se constituer une forteresse, s'isoler ainsi pour échapper au réel et à la difficulté du réel. Et voilà, ça me permet de parler aussi de ce livre, de cet événement, donc c'est chez Grasset, Gaël Faye, Petit Pays, et de cet événement, le Forum FNAC Livre, avec Jonathan Franzen, qui est l'invité d'honneur et qui sera là pour, si vous voulez, le rencontrer. Et ça, c'est chouette de rencontrer Jonathan Franzen. Voici l'escope avec Dérangé, avant de retrouver Mélanie Laurent et de parler d'éternité. Personne ne sait rien. En chaque lieu, il va, il vient. Partout, il semble un étranger. C'est un garçon dérangé. Dans un grand verre turquoise, il boit quelque chose de puissant et froid. Puis il en croque la glace pilée. C'est un garçon dérangé. Partout étranger, c'est un garçon dérangé. Partout étranger, c'est un garçon dérangé. Sous une cape de zibeline, couvert d'un manteau bleu marine. Yeah. marchais si vite dans la rue. La terre ne touchait plus ses pieds. C'est un garçon dérangé. Partout étranger. C'est un garçon dérangé. Animal. Garçon dérangé, partout étranger. C'est un garçon dérangé. L'escope avec dérangé sur France Inter. Quand les cris sont ouverts, on se tait. Ou alors on parle dedans, Albert. On avait une conversation avec Albert. Je vois. Sur Riyad Satouf. Je vois. Il y a le tome 3 de l'Arabe du Futur bientôt. Très bien. J'attends. On peut parler de Mélanie Laurent, qui est notre invitée, parce que évidemment il y a Éternité qui sort le 7 septembre, mais la réalisatrice, c'est au cinéma aussi pour plonger, et ça on verra quand le film sortira, vous viendrez, j'espère, nous le présenter à ce micro. Mais vous êtes aussi, on dit metteuse en scène ou metteur en scène d'ailleurs, quand oula, faut demander. Je sais pas, mais je dis, elle est partie. Moi j'ai envie de dire metteuse en scène. On peut dire les deux, bien sûr. Au Québec, ils mettent souvent des euses à beaucoup. Alors très bien, vous allez mettre en scène une pièce qui est créée à Marseille. Oui, je suis en train, je suis en pleine répétition en ce moment. Elle s'appelle comment cette pièce? Ça s'appelle Le Dernier Testament et c'est l'adaptation du livre de James Frey qui avait écrit 1000 morceaux, LA Story, qui est un auteur américain que j'adore et qui parle du Messie. Qui débarquerait aujourd'hui à Brooklyn, wow, qui est un ancien junkie, et qui dit « je crois qu'il faut juste faire l'amour et s'écouter et se donner de la tendresse plutôt que de faire le reste ». Alors le titre ? Le Dernier Testament. Tout simplement. Et est-ce que cette création marseillaise verra le jour à Paris ? Oui, à Chaillot en janvier. Super. Très bien. Quelle année chargée, quelle rentrée chargée pour Mélanie Laurent. Voici. On peut dire metteuse en France, au Québec, on peut dire metteur et on ira plus rarement maîtrise. Ah. Et on peut dire aussi. Non, maîtrise, on va éviter. Elle dit autrice au Québec. Voici la cascade de questions pour Mélanie Laurent. Des réponses courtes, des questions courtes. Leïla. Votre femme politique préférée, à part Hidalgo, bien sûr. Ah, il faut répondre. Oui. Celle qui vous inspire le plus, elle n'est pas forcément française. Hein. Et... ouais. Mélanie. Simone Veil ? Ok, d'accord. Danielle Morin. Actrice française que vous ne pouvez pas supporter. Alors, Béanice Béjot, parce qu'elle sait que c'est faux. Bien. Alison Wheeler. Le réel qui vous a le plus coupé au montage. Qu'on l'embrasse. Je cherche le film où carrément m'a coupé complètement, ce serait ça le mieux. Non, j'ai fait un film avec Thierry Cléphane et où j'ai fait une entrée de porte. C'est bien. Albert Algou. Alors tout à l'heure on a évoqué votre frère, le beau-frère de Nagui a appelé et il dit que Nagui l'a jamais aidé dans le métier. Vous ne pourriez pas convaincre Nagui d'aider son beau-frère? Si, je donne-moi son numéro, je l'appelle tout de suite. Leïla. Des nouvelles de Gérard Depardieu? Jamais, en fait. Mais comment ça? Mais non, j'ai fait mon premier film avec lui, j'avais 14 ans, je n'ai jamais eu de nouvelles de Gérard. Oh, erreur. C'est moche. Il ne fallait pas changer de numéro de téléphone. Daniel, des excuses à présenter. Alors déjà, désolé pour madame Hidalgo, qui selon nos sources, aurait du temps libre en ce moment. Elle va devoir recevoir maintenant Mélanie Laurent et recycler les déchets de Nagui. Et je peux vous dire qu'il y en a. Désolé pour le maréchal Ganache. Il faut le rappeler, pardon, elle a de l'argent à gagner. C'est ça aussi qu'on découvre. La ville gagne de l'argent grâce aux déchets. Donc ça serait intéressé et intéressant qu'elle appelle Mélanie Laurent pour réaliser tout ça. Oui. Pardon, comme je sais qu'elle nous écoute, elle le fera sûrement. Évidemment. Désolé pour le maréchal Ganache. Non. Qui, même s'il ne l'a pas dit, a souffert de parler pendant une heure et demie du film d'un certain Hang, un salaud de Viet, me disait-il, à la pause au milieu de son entier. Et désolé enfin pour Edward Norton qui nous écoute et qui a pu constater que s'il est l'acteur préféré de Mélanie Laurent, elle met quand même 10 minutes à retrouver son nom. Merci Daniel, merci Mélanie Laurent, Éternité. Merci. C'est au cinéma le 7 septembre et à très bientôt. Et merci. Plein de. Et on dit merde, merci, voilà, pour tous Mélanie. Les projets. Bravo, sur Internet, on dit merde. On dit merde. On dit plus rien à la campagne, peut-être quand on dit bonne chance, je ne sais pas. Dans les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Hein, quoi ? On dit pas merde, on dit plus rien. Ah, oui, c'est ça. Oui. Ah, voilà, très bien. Ouais. J'ai appris plein de choses grâce à vous. Hein. Merci. Hein.